qui souhaite poser une première question, monsieur tout devant. C'est toujours la plus difficile, la première. Ça vient vite à Rennes. C'est ? Ça vient vite à Rennes. Qu'est-ce qui fait que les pays du Nord n'ont pas signé la convention là? C'est contraignant, c'est... D'accord. Je réponds maintenant. Oui. Alors, cette convention, elle reprend la plupart des textes déjà existants, elle n'innove rien. Elle reprend des textes sur les droits de l'homme, sur les droits fondamentaux et sur les droits des migrants tels qu'ils existaient au moment de son élaboration, c'est-à-dire entre le milieu des années 70 et 1990, parce qu'elle a mis longtemps à être élaborée. Mais elle reconnaît certains droits pour les sans-papiers. Et les pays du Nord qui ont beaucoup de sans-papiers ne veulent pas se sentir liés par la signature de la convention avec la question des sans-papiers. Merci. Une autre question ? Monsieur ? Merci. C'est plutôt une question envers, je crois, que j'ai toujours entendu avec le Japon. Plus proche de vous, s'il vous plaît, micro. Le Japon. Pardon, excusez-moi. Juste pour demander, spécialement avec le Japon, j'ai toujours entendu qu'ils ont une population âgée. Et avec cette réalité qu'il va affronter... ça va devenir plus possible davantage de management, d'aménager entre les pays comme ça, l'immigration en général, ou vous pensez que ça va devenir plus restreint spécifiquement à les nations qualifiées? Merci pour cette question. Alors le Japon, effectivement, c'est un pays qui a une très forte densité de population sur un petit territoire qu'on ne peut pas étendre puisque c'est des îles. Et d'autre part, même si l'île d'Hokkaido est beaucoup moins peuplé que les autres, et d'autre part, qui a vécu longtemps sur le mythe de l'homogénéité et de la pureté ethnique. Donc le Japon était très hostile, d'une certaine façon, aux migrations. Mais en même temps, il a pris conscience, comme vous le dites, pour les raisons que vous avez présentées, c'est-à-dire le vieillissement de la population, certains déficits de main-d'œuvre, de la nécessité des migrations. Aujourd'hui, on est un peu plus, pour un pays qui a un peu plus de 100 millions d'habitants, on a à peu près 1% d'étrangers, donc c'est pas beaucoup. Pour nous, ça paraît imperceptible si on va au Japon, mais la situation, par exemple, ne serait-ce que des Coréens, qui sont proches culturellement du Japon, qui ont été colonisés par le Japon, est très inférieure, avec beaucoup de xénophobie à l'égard de cette population, même si ce sont des voisins, des Japonais, et pour nous, complètement imperceptibles dans leurs différences. Il y a aussi une forte migration chinoise, parce que la Chine est à côté, et que donc le niveau de vie du Japon peut être tentant, surtout que les femmes chinoises, surtout rurales, voient dans le fait d'épouser un Japonais le fait de ne pas travailler. La femme japonaise souvent ne travaille pas dans leur image. Hein. C'est la femme qui élève ses enfants, qui va dans les magasins, qui a une vie perçue comme plus agréable que la femme d'agriculteur chinois dans l'ouest de la Chine. Donc il y a une attraction pour un mode de vie chinois dans les campagnes chinoises très fort. Et donc une migration chinoise au Japon. Et puis il y a des activités qui demandent de la main-d'œuvre. Par exemple, le port de Yokohama, qui est un port très actif dans le monde, demande de la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre japonaise n'est pas si nombreuse que cela. Et donc on fait appel aussi à des Chinois, également à des Pakistanais pour les chantiers du bâtiment. Outre la migration chinoise qui est la plus nombreuse, on a d'autres nationalités qui aujourd'hui, les Philippins aussi par exemple, qui sont présents au Japon, mais ils n'ont jamais, c'est quasiment impossible d'accéder à la nationalité japonaise par exemple. Hein. Donc, parce que c'est toute une série de paliers qu'il faut atteindre. Même les Japonais qui ont migré quand le Japon n'était pas aussi riche dans les années 30, par exemple au Pérou ou au Brésil, qu'on appelle les Nikkeijin, des Japonais de l'extérieur, quand ils reviennent au Japon, ils ont un statut qui n'est pas celui du citoyen japonais. L'accès à la nationalité, c'est la chose la plus difficile au Japon, et donc il n'y a pas une incorporation totale de ces nouveaux entrants. Merci. Une nouvelle question ? Tout en haut. Et je vous encourage, monsieur, à lire Catherine de Vanden, puisqu'elle explique bien dans son livre, effectivement, le cas japonais. Est-ce que vous pourriez développer le cas de l'immigration interne à la Chine ? Parce que je crois qu'il y a aussi, je veux dire, une population particulière, entre autres celle qui migre vers l'Ouest. Et l'équilibre n'est pas qu'un équilibre de population, il y a, je pense aussi, un équilibre ethnique. Oui, enfin, moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de la Chine. Peut-être que vous en savez beaucoup plus que moi. Ce que je peux dire simplement dans ce que j'ai pu lire, c'est que l'essentiel de la population chinoise est une population Han, si j'ose dire, même s'il y a des minorités, les Ouïghours, des minorités musulmanes, etc., mais enfin, qui sont très... très petite par rapport au reste de la population chinoise. Mais ce que veut surtout faire la Chine, c'est d'attirer, parce que la Chine est très très peuplée au sud-est, à l'est et au sud-est, et très peu peuplée à l'ouest, qui est une région de steppes, de montagnes, etc. Donc l'idée, c'est d'amener cette population de l'est vers l'ouest. Ce qui est, habituellement, les migrants, ils vont toujours de l'est à l'ouest. Là, c'est l'inverse. Les Chinois, ils vont tous de l'ouest à l'est. Parce qu'à l'est, il y a les grands ports, il y a toute l'activité économique et urbaine. Donc, arriver à créer des villes artificielles, ce qu'ils sont en train de faire à l'ouest, des villes champignons gigantesques, pour faire des grands travaux, pour rééquilibrer, si j'ose dire, la population vers l'ouest. Donc ça, c'est un premier objectif. Deuxièmement, la Chine a besoin d'énergie, donc elle construit des quantités de barrages. Le barrage des Trois Gorges, par exemple, a amené des millions de déplacements de population parce qu'on noie des régions entières pour faire ces barrages. Donc il faut évacuer les petites villes, les villages, etc., comme on l'a fait ailleurs, mais là, dans des proportions considérables. Donc ça aussi, c'est un facteur de déplacement important de population, là, cette fois-ci, voulu par l'État, dans les deux cas. Puis, là, il y a le déplacement spontané des fameux gens qui veulent migrer vers les grandes villes pour trouver des meilleures opportunités de travail. Et donc, ces gens qui ont le fameux hukou, le passeport intérieur, et qui deviennent sans papier à Pékin ou à Shanghai ou dans une autre ville. Donc ça, c'est un troisième type de migration intérieure. Une question, tout devant. Le micro varie pour que tout le monde puisse vous entendre. Non, mais nous, on vous entend, mais pas les gens qui sont derrière vous, c'est pour ça. C'est pour continuer la Le micro est là, s'il vous plaît. Merci. J'irai, pour continuer la question qu'a posée madame, moi, je me dis aussi, peut-être à tort, mais que dans les migrations intérieures à la Chine, et en particulier quand même vers l'extrême ouest, le cas, entre autres, des Ouïghours, et de l'équilibre national pose problème et politique. Oui, bien sûr. Absolument. Et le Tibet est quand même un cas très précis. Oui, oui, tout à fait. Mais on le voit. Et là, c'est quand même politique, le Tibet. Oui, d'accord, les grandes villes du côté du Xinjiang, là, avec les réserves, oui. Mais ce qui est du côté de Lhasa, ça, c'est, j'irai dans le même sens. Hein, oui, c'est, tout à fait. Et j'irai aussi dans le même sens pour les Ouïghours. Voilà, le reste, peut-être pas, mais pour les Ouïghours aussi. Mais moi, je parlais des déplacements de population. Là, c'est plutôt... Alors ça, c'est des raisons politiques qui sont depuis très, très longtemps en conflit avec l'Inde et avec les pays voisins. Mais pour l'essentiel du déplacement de population, ce n'est pas des régions très peuplées, quand même, les Ouïghours ni les Tibétains. Pour le reste, c'est quand même des masses considérables et pour des raisons d'équilibre, l'aménagement du territoire, tout simplement. Alors, je dirais un autre aspect, mais qui explique qu'une migration est plutôt transfrontalière. Il y a deux formes de migration transfrontalière en Chine. Il y a d'une part l'attraction qui peut paraître étrange, mais qui est très véritable, vers la Sibérie. Parce que d'un côté, on a une population très dense, donc du côté de Pékin et un petit peu au nord, hein, Harbin. Et puis de l'autre côté, on a un territoire qui a énormément de ressources du sous-sol, qui est vide. Et donc, il y a une migration permanente, parfois un peu clandestine, qui consiste à aller en Sibérie, toute la région de Vladivostok, hein, la migration donc chinoise se développe en Russie, ce qui fait pas tellement plaisir aux Russes d'ailleurs, pour le commerce, pour l'exploitation de la forêt, pour l'exploitation des matières premières. Mais parfois on laisse ouverte la frontière russe. Aujourd'hui est ouverte dans certains endroits forestiers avec la Chine parce qu'eux-mêmes n'ont pas les moyens d'exploiter toute cette région immense, et donc les Chinois le font à leur place. Donc là, il y a une migration chinoise qui se développe part plutôt par l'Est, si j'ose dire, dans cette région à côté de la Mongolie. Par ailleurs, en Chine, mais comme dans tous les pays asiatiques, il y a une pénurie de femmes à cause du choix du sexe. Et donc, les Chinois vont chercher des femmes dans des pays voisins. Donc, ça crée une migration vers la Chine, notamment des femmes qui viennent du Myanmar, qui viennent de Corée du Nord, qui viennent de pays voisins, et donc et plutôt des Asiatiques. Ils cherchent plutôt des femmes asiatiques pour des raisons de proximité culturelle. Donc les pays voisins pauvres sont fournisseurs de femmes aujourd'hui pour les Chinois. Une autre question tout d'abord. Pourriez-vous préciser pour les pays du Golfe, vous avez dit qu'ils préféraient aujourd'hui... Légèrement, oui, il y avait une tendance à ne prendre pas uniquement des arabo-musulmans. Voilà, pourriez-vous préciser là-dessus, j'ai pas... Pendant longtemps, l'essentiel de leur migration, alors ils avaient une migration qui venait, donc, comme vous le voyez, d'Égypte, un peu du Soudan, du Yémen, de la Corne de l'Afrique, du Maghreb, et puis un peu du Proche-Orient. Certains n'étaient pas aussi rigoureux comme pratique de l'islam que les gens du Golfe. Et donc, ils avaient peur, comme dans certains pays, il y a plus de migrants que de nationaux, que ça déstabilise un petit peu le mode de vie, si j'ose dire. Donc, ils ont préféré, pour garder cette pratique religieuse très traditionnelle, un peu moyenâgeuse, ils ont préféré faire venir des gens qui n'étaient pas musulmans, donc des Philippins, des Thaïlandais, des pays pas très riches de l'Asie du Sud-Est pour l'essentiel. Voilà. Merci. Une autre question ? Et c'est vrai que c'est quand même une question importante parce que, par exemple, les Égyptiens qui ont beaucoup migré vers le Golfe ont ramené du Golfe une pratique très intégriste qu'ils n'avaient pas auparavant, alors que les Maghrébins, qui pour l'essentiel migrent vers l'Europe, disons, ont moins cette pratique très inspirée par les pays du Golfe. Une nouvelle question ? Tout à droite. Merci. Moi, je vais renationaliser un petit peu le débat. Là, donc, en rebondissant sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les sans-papiers mexicains qui disent que l'économie américaine s'écroulerait s'ils n'étaient pas là, que peut-on dire des sans-papiers, enfin des migrants qui travaillent chez nous? Ce que je mets au cœur du débat, c'est le fait qu'on leur reproche souvent d'encourager du dumping social en acceptant des conditions de travail et des salaires inférieurs à ceux qui sont ici, et donc d'accélérer la perte des droits sociaux sur notre territoire. Donc, d'un point de vue factuel, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments là-dessus ? Non, mais c'est un vrai sujet qui a toujours existé. Il y a toujours eu ce conflit entre les travailleurs français depuis, il ne faut pas oublier, le massacre d'Aigues-Mortes de 1893, entre les Français et les Italiens, où les Français, dans les salines d'Aigues-Mortes, donc reprochaient aux Italiens d'abattre plus de travail qu'eux et donc de casser un peu les salaires. Donc pendant très longtemps, les immigrés ont été considérés comme des ennemis pour la classe ouvrière française parce qu'ils étaient considérés comme une main-d'œuvre beaucoup plus docile qu'eux. C'est un débat qui se poursuit aujourd'hui avec les sans-papiers. Alors, il y a deux choses que je pourrais répondre. Oui, bien sûr, les sans-papiers encouragent le dumping social, ça c'est très clair. Mais en même temps, la deuxième question qu'on peut poser, c'est beaucoup de sans-papiers font des métiers qui ne sont pas pris parce qu'ils sont mal payés, mais parce qu'aussi ils sont pénibles, parce qu'ils sont soumis aux intempéries, parce qu'ils sont irréguliers dans l'année, parce que toutes sortes de raisons, ils sont sales, etc. Tous ces métiers, en fait, il n'y a même pas de concurrence parce que les nationaux, pas seulement les Français, mais les nationaux n'en veulent pas. C'est-à-dire que si vous regardez, il faut vraiment que les gens soient arrivés à un niveau de chômage très élevé pour qu'ils acceptent de faire le travail que font beaucoup de sans-papiers, le nettoyage des rues, le bâtiment, les travaux publics, les métiers d'ouvriers agricoles, les plus pénibles, etc. Donc déjà, dans beaucoup de pays, il n'y a même plus de dumping parce qu'il n'y a pas de concurrence, si j'ose dire, hein, sur les métiers qui sont remplis par les sans-papiers. Deuxième phénomène, est-ce qu'on est prêt à payer les prix de services ou de production au prix réel, c'est-à-dire au prix de salaire très élevé. Aujourd'hui, les gens regardent, surtout dans un contexte de crise, le prix de leurs vêtements, le prix de leurs fruits et légumes. Et si l'ensemble des secteurs étaient payés au prix tel qu'il est prévu dans les conventions collectives, eh bien, le coût de la vie serait beaucoup plus élevé. Donc, en fait, une partie de la consommation et du marché de la consommation serait complètement anéantie. Donc, c'est un sujet très difficile en réalité. Mais dans l'ensemble, contrairement à une idée répandue, il n'y a pas beaucoup de concurrence parce que le marché du travail est très segmenté. Les métiers remplis par les sans-papiers ne sont pas les mêmes métiers que ceux qui sont étrangers tout court et ceux qui sont légaux et ceux qui sont nationaux. Il y a une forte segmentation. Donc, dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup de concurrence en réalité. Une nouvelle question ? Personne tout à gauche. Merci. Je pose une question, je ne sais pas si ça vaut la peine de la poser. Vous avez parlé de flux migratoires, mais je ne vois pas les causes de départ des migrants. Et les bénéfices. Les causes de départ des migrants. Les causes de départ. Oui. Ensuite, ce que rapporte au pays d'accueil la migration et au pays de départ. Apport au pays de départ. Ouais. Apport, oui, c'est ce qu'apporte la migration au pays de départ et au pays d'accueil. Et puis, vous avez parlé de la poussée urbaine, en particulier en Afrique. Mmh. Et là, je pense qu'il faut voir derrière des questions économiques, qui sont économiques, oui, bien sûr, liées surtout à une politique pratiquée par le Fonds monétaire international, qui a introduit ce qu'on appelle le plan d'ajustement structurel, le PAX. Oui, c'est vrai. Et à partir de ce moment-là, les campagnes se sont vidées. Tout l'effort a été mis sur les villes. Et les villes ont toutes les structures qu'il faut. Et à partir de ce moment-là, les gens qui sont à la campagne, ils ne peuvent pas vivre avec leurs revenus. Et puis il y a ça, non seulement il y a cela, mais aussi l'inéquité des échanges entre le Nord et le Sud. Non, mais c'est tout à fait vrai. Les paysans, je parle de l'Afrique, hein, je ne parle pas des autres paysans, mais les paysans africains n'ont pratiquement plus rien pour pouvoir subvenir à leurs besoins grâce à leur production intérieure. Parce que les produits extérieurs envahissent les marchés des pays africains et les populations rurales ne peuvent plus rien sortir de leur production. Alors, je ne sais pas si... Moi, je suis entièrement d'accord avec vous sur l'essentiel, notamment sur l'inégalité des échanges, parce que là, on revient à un sujet qui est plus large, mais qui est très important pour la migration, qui est la question de non seulement de l'échange inégal, mais de l'économie solidaire, du tarif des matières premières tel qu'il est fixé très souvent par l'OMC. Par exemple, si le prix du coton est très bas, les producteurs de coton qui viennent de pays où ce n'est pas subventionné, comme pour l'essentiel les pays africains, ont une production qui ne vaut plus rien. Et donc, ils partent, ils quittent la campagne parce qu'ils vivent beaucoup moins bien que le cousin qui vit à la ville ou l'autre qui vit à l'étranger. Donc, effectivement, la question du prix des matières premières est tout à fait centrale comme cause de la migration. Là, je suis entièrement d'accord. Alors, et bien sûr, la politique du FMI qui a sans doute encouragé peut-être plus les infrastructures urbaines que l'économie rurale. Entièrement d'accord là-dessus. Sur les apports aux pays de départ et aux pays d'origine, d'une part, tous les travaux montrent, des travaux très sérieux d'experts, OCDE, ONU, etc., y compris d'économistes, montrent que la migration, depuis qu'on s'interroge là-dessus, et c'est un thème récurrent du Front National, la migration rapporte plus qu'elles ne coûtent, contrairement au thème de ces tendances politiques d'extrême droite. Donc ça, c'est un premier élément très important. Et récemment, il y a un petit livre qui est sorti l'année dernière dans une collection qui s'appelle « On entend dire que ». Mais c'est un tout petit livre, vraiment, même pas 100 pages, que l'immigration coûte cher à la France, qu'en pensent les économistes ? Et il y a deux économistes de l'École de Paris, donc ce qu'on fait de mieux en économie, Lionel Ragot et Xavier Chodnicki, qui montrent, chiffres en main, que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte au pays d'accueil. Pourquoi est-ce qu'elle rapporte plus qu'elle ne coûte ? Puisque les gens arrivent souvent jeunes, mais pas très jeunes, ils arrivent à 20 ans, 25 ans, donc on n'a pas eu le coût de leur arrivée à l'âge adulte. Donc pour les pays d'accueil, c'est tout bénéfice. Ensuite, ils vont travailler souvent fort mal payés s'ils sont sans papier dans des secteurs où ils sont souvent exploités. Et donc, le travail n'est pas payé au prix réel. Et ensuite, ce qu'il produit est vendu, etc. Donc, et en plus, beaucoup de ces gens donc cotisent pour certaines prestations qu'ils ne touchent pas. Ceux qui repartent chez eux sans arriver à l'âge de la retraite ou avant d'y arriver, souvent ne touchent pas ou une toute petite partie de leur retraite. D'autre part, l'autre élément qui est quand même important aussi, c'est que pour les allocations familiales, si leur famille est restée au pays, elles sont payées au taux du pays de départ et non pas en fonction de ce que le migrant a versé dans le pays d'accueil, comme n'importe qui, pour les allocations familiales. Donc là, il y a un bénéfice qu'ils ne touchent pas, si j'ose dire. Donc, tous ces éléments mis l'un après l'autre font que l'immigration, qui est plutôt moins malade que la population nationale, parce qu'elle est jeune, uniquement parce qu'elle est jeune, hein, elle a peut-être d'autres maladies, mais des maladies qui ne sont pas aussi coûteuses que celles de l'arrivée au quatrième âge des populations des pays d'accueil. Donc, l'immigration coûte moins qu'elle ne rapporte. Alors pour les pays d'accueil, pour les pays d'origine, cette fois-ci, l'immigration rapporte aussi. Elle rapporte d'une part à cause des transferts de fonds, je vous l'ai dit, 400 milliards de dollars par an. C'est colossal, c'est colossal. Alors ça ne va pas rapporter au pays, ça rapporte à la population qui est sur place, parce que les migrants, parfois avec sagesse, se méfient de leur pays d'origine, qui sont parfois peu regardants sur l'affectation des ressources. Et donc, ça rapporte aux familles. C'est-à-dire qu'il y a des pays comme les Philippines où la population est bénéficiaire des transferts, mais ça ne va pas créer des emplois pour l'État philippin. Parce qu'il n'y a pas de grands investissements, où dans beaucoup de pays africains, les gens bénéficient des transferts, mais ils ne vont pas investir dans les entreprises nationales, parce qu'ils s'en méfient, parfois d'ailleurs avec raison. Donc en fait, ce n'est pas un facteur de développement du pays, mais c'est un facteur de développement humain. Humain. Ça veut dire que ça va faire en sorte que les gens vont payer pour eux des dispensaires, pour des écoles, de l'adduction d'eau, de l'électricité, etc., de l'accès à des biens de consommation. Donc c'est du développement humain, effectivement, mais ce n'est pas du développement du pays. Hein, du pays. Donc ça crée des cercles vicieux. Par exemple, au Sénégal, il y a des régions de migration, puis il y a des régions où il n'y a pas de migration. Mais les régions qui ont de la migration sont beaucoup plus riches que les régions où il n'y a pas de migration, ça va de soi. Mais en même temps, il y a une sorte de dépendance un peu rentière qui se fait à l'égard de la migration dans les régions de départ, parce qu'ils se disent, de toute façon, on va attendre, on a un cousin qui est à Paris, donc la famille en profite au sens large, etc. Et donc, on sera peut-être moins, disons, entreprenant que des régions où il n'y a pas de migration, parce qu'il faut bien se débrouiller sans. Et ça, dans les pays de départ, entre les régions de migration et les régions où il n'y a pas de migration, on a des différences de richesse considérables, ce qui pose parfois même des problèmes d'aménagement du territoire. Parce que ceux qui sont fortement arrosés par la migration n'ont pas nécessairement de lien avec ceux qui n'ont pas de migration. Donc ça rapporte beaucoup, puis ça rapporte aussi politiquement. Parce que les pays de départ, comme je vous avais dit, ils mènent parfois une sorte de diplomatie de leurs migrants à l'étranger pour commencer à être un tout petit peu influents. Ils vont dire, oui, mais on a des gens qui sont chez vous, ils sont maltraités, donc on veut une compensation, et puis ceci, cela. Donc c'est un début d'entrée en matière, si je veux dire, pour un dialogue avec les pays d'accueil. Et d'autre part, Les migrants, parfois, ils deviennent nationaux des pays d'accueil. Donc, les pays de départ disent, si vraiment on n'a pas de dialogue avec nous, nous, on va influer sur leur vote. On va dire qu'il faut voter pour tel candidat et pas tel autre. Même s'ils ne le font pas nécessairement, ça compte. Et d'autre part, ces pays de départ, donc dans leur relation avec les pays d'accueil, ils utilisent un petit peu leur migration comme médiateur dans la relation avec les pays d'accueil, notamment des pays qui ont eu des élites importantes qui peuvent être des interlocuteurs pour porter en haut niveau les intérêts de tel ou tel pays. Donc, et puis c'est aussi une façon d'exporter la contestation sociale. Dans des pays où il y a énormément de chômeurs chez les jeunes et un peu d'agitation politique, ben, la meilleure façon de se débarrasser de tout ça, c'est d'ouvrir les frontières tout grand. Donc ça rapporte. Est-ce qu'il y a encore une question? Plus personne, vous êtes sûr? Tout en haut. Ah, tout en haut. Profitez-en parce que visiblement il y a de l'orage dehors. Donc plus vous allez rester, moins vous allez être mouillé. Hein. Je vais revenir à la Chine. C'est un pays qui a une population qui vieillit très vite. Ouais. Quelle est sa politique migratoire pour le coup? Parce que sur la carte, j'ai vu qu'il y a beaucoup. Enfin, on voit les flux entrant-sortant et j'arrive pas trop à savoir s'il y a une politique qui se met en place pour justement accueillir des personnes pour évidemment faire face à ce vieillissement rapide. Ouais. Alors, pour l'instant, enfin, dans ce que je connais de la Chine, hein, ce qui est quand même très limité, sauf la question migratoire, ce que je peux pas dire, je n'ai pas le sentiment que compte tenu de la masse de la population chinoise, il y ait vraiment une politique qui consiste à réfléchir sur les lendemains de la politique de l'enfant unique qui vont être un peu brutaux, effectivement, puisque tout d'un coup, la population va diminuer, donc ça va être un facteur d'évolution brutale pour la Chine. Ce que je pourrais dire simplement, c'est que la politique de l'enfant unique s'est un petit peu relâchée, par exemple en milieu rural. Aujourd'hui, on n'est plus aussi strict parce qu'autrefois, quand on avait... Alors, il y a deux choses. D'une part, la politique de l'enfant unique, ça a favorisé soit le meurtre des petites filles ou leur disparition sous forme d'avortement parce qu'on voulait avoir un garçon qui est très valorisé en Chine. Et d'autre part, ça a favorisé la migration féminine parce que comme il faut avoir qu'un seul enfant... Eh bien, on faisait migrer les filles pour faire exister légalement le garçon qui venait après. Donc, il y a eu comme ça une forte migration dans les ateliers de couture, etc., de toutes ces femmes jeunes chinoises, parce qu'elles, elles disparaissaient des papiers, puis on changeait pour faire exister le garçon. Donc, ça a favorisé une migration féminine. L'autre élément, je vous en parlais, c'était le problème de mariage, déficit de femmes donc, dans le pays. Et puis, également, dans ce même contexte, disons, aujourd'hui, il y a une... Je ne pourrais pas dire... Je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment une prise de conscience de l'après-politique de l'enfant unique, mais je dirais simplement que pendant très longtemps, quand on avait plus d'un enfant, on perdait tous ses droits sociaux. C'est-à-dire qu'on n'avait plus droit à l'école publique gratuite, à l'accès à la santé. Donc, il y avait des sanctions très, très dures, même en termes d'impôts, etc. Aujourd'hui, il y a un certain relâchement au milieu rural. On peut avoir plusieurs enfants dans le monde rural. D'autre part, il y a une tolérance quand même. Moi, j'ai vu à Pékin, les jumeaux peuvent exister, par exemple. Hein. On peut avoir des jumeaux. On n'est pas obligé nécessairement d'en avoir qu'un. Et puis, à la taille du pays... ça sera quand même un phénomène certes brutal avec un poids des gens âgés sur les jeunes enfants uniques très fort, mais est-ce compte tenu du développement économique de la Chine, on peut imaginer que la Chine, ce qui est déjà le cas d'ailleurs, deviendra attractive comme brique vis-à-vis des pays voisins. Aujourd'hui, il y a une migration. Ce qu'on oublie, c'est que les Chinois partent, mais la Chine devient aussi un pays d'immigration. Non seulement pour les experts qui vont y travailler de plus en plus, d'ailleurs y compris des experts européens, américains, canadiens, australiens, etc. C'est pas des gens qui vont nécessairement faire souche en Chine, mais qui migrent quand même. Aujourd'hui, on a une migration africaine en Chine, puisque comme la Chine va en Afrique, eh bien, ça a créé des liens. Donc les Africains vont aussi se former, travailler pour continuer à faire commerce, si j'ose dire, avec les Chinois. Ça attire aussi une migration africaine en Chine. Et puis les pays pauvres d'Asie du Sud-Est sont quand même attirés aujourd'hui par la Chine. Les femmes, comme je vous disais, éventuellement, des pays les plus pauvres, mais aussi pour toute une série d'activités commerçantes, urbaines ou des grands chantiers ruraux. La Chine devient un pays d'immigration. Donc je pense qu'une partie du déficit démographique sera comblée si la Chine poursuit son décollage économique par l'immigration de voisinage. Ça va être le mot de la fin. Je rappelle l'atlas des migrations. Vous allez pouvoir retrouver Catherine Vitol de Vanden à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. Beaucoup de livres, donc, notamment la question migratoire au XXIe siècle. Merci beaucoup à vous d'être venu. Merci pour vos questions. Et merci à vous. Et puis profitez-en pour aller voir l'exposition de migration. Et moi, j'en profite pour vous souhaiter un bon été, puisque c'était ma dernière rencontre de la saison. Au revoir et bon week-end.